Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de soccer avec des matchs qui nous intéressaient hier. D'abord dans la catégorie U14 masculin, gain de l'Union d'Orbeval 5-2 sur l'FC Jean Dumas. Également, l'FC Jean Dumas Ford a gagné 7-0 sur Saint-Ambroise. Maintenant, du côté de la course automobile en fin de semaine, Xavier Pelchat de Saint-Félicien était en action en fin de semaine à Montmagny et ça a été difficile pour le pilote de Saint-Félicien. Il a dû être contraint à l'abandon. Et il y avait une compétition de golf junior qui s'est déroulée au club de golf de Chicoutimi en fin de semaine. Et il y avait 70 joueurs qui étaient inscrits. Donc Christophe Bouchard avec un pointage de 83 dans les moustiques a remporté la victoire. Robin Benoît avec un pointage de 86 a terminé deuxième rang. Chez les Pee-wee, Sarah Maud Lefebvre a joué 84. Et chez les filles, Anthony Jonf chez le Bantam a été le meilleur avec un pointage de 78. Et Vincent Lemieux avec un pointage de 79 a remporté. Chez les juvéniles, Thomas Morissette a joué 83 pour remporter la victoire. Donc, ça se déroulait au club de golf de Chicoutimi. J'invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a parlé avec Joe Hardy, où on parle de Guy Carbonneau qui a été intronisé au Temple de la Renommée. Également, je me suis entretenu aussi avec d'autres intervenants du monde du sport, entre autres Gilles Leveillé du club de golf de Chambord qui nous parle de son club de golf qui est à sa 10e année. Sport local et régional, à danadosport.com, on s'en occupe.